la nuit s'étire en toute liberté. Mais quand vient le matin, les montres et les pendules ne le remettent au pas à coups de pied au cul. Rien ne sert de courir, rien ne sert de courir. À peine t'es levé qu'il faut déjà t'en aller. Le temps s'est rétracté sous les coups répétés. T'as beau te dépêcher, tu pourras pas y arriver. Rien ne sert de courir, rien ne sert de courir. Te voilà au boulot devant une pile de dossiers. Pas finir, à quoi bon te stresser? Perdu dans tes pensées, tu te mets à rêvasser. Rien ne sert de courir, rien ne sert de courir. Tu penses à la Lucette et à ses petites gambettes, qui est toujours la première à remuer du derrière. De faire la fête, c'est jamais la dernière. Rien ne sert de courir, rien ne sert de courir. Comprends soudain que le monde va trop vite. On est tous dans le même train qui fonce vers sa fin. Et que pour arriver